grosse de chi, complètement accro de chi. Je ne bois que de l'eau de vie, je ne bois que de l'eau de vie, je ne bois que de l'eau de vie, je ne bois que de l'eau de vie, complètement accro de chi. Je m'invite à la sauterie, je vais voler la loterie, je raconte pas de conneries, meurs et je suis mort de rire. Gros, j'ai écrit trop de meuries, je m'applique avant que ça parte au mix. Pas de relation platonique, surtout avec ces putes de pacotille. Je vais te court-circuiter pendant que tu fumes de la paille de merde, moi je fume de la beuh au goût biscuité. Seul dans la cour, je suis cuité. Je pense à cette pute en chaleur, faut que je mette ma langue dans son trou si fruité. Exact. Repose en paix Maradona, Diego, Cerebro ou le casque à Magneto. C'est la guerre comme à Sarajevo. Vie rapide, on doit se manier gros. Le son héros touché par Pierrot. Cours vite, on te coupera le pied gauche. Nouvelle monture, lunettes, quartier rose. En vrai, j'aurais dû me marier tôt. Je transporte la drogue dans un sac tati. Je veux la chatte à Rachida Dati. La bécane de Son of Anarchy. Je suis pété, je bouffe un chapati. Un concours en à l'école Jacques Tati. Repose en paix Madame Sarfati. Complètement accro de chi, complètement accro de chi, complètement accro de chi. Je ne bois que de l'eau de vie, je ne bois que de l'eau de vie, je ne bois que de l'eau de vie, je ne bois que de l'eau de vie. Complètement accro de chi. Faut pas que je perde des plumes, sous ma doudoune canadienne. Chaleur subsaharienne, je fais des liens si je me barre à Vienne. Sors de chez la pharmacienne pour monter dans le vaisseau spatial d'alien. Je déforme ma boîte crânienne, tu sais très bien que ces drogues m'appartiennent. Je lève mon verre à la tienne pendant que je tiens ta chaîne à genoux. Les putains de problèmes viennent à nous. J'ai souffert comme Francis Nganou. J'opère comme le docteur Benamou dans le pays de Michel Sardou. J'avance même si on me crève la roue. Je pointe le bout du fusil vers ta joue. Je bois du cognac, je fume de la gorilla. Fusil d'assaut d'Irak, je vous fais peur comme Godzilla. Je prends un aphrodisiaque et je rentre dans la corrida. La drogue dans le zodiaque, dans le plus grand anonymat. Je veux toucher 100 millions, j'ai le corps parsemé de ganglions. Le meilleur des environs, je mérite le titre de champion. De la lave en fusion, besoin d'une transfusion. Je ressens tellement de pulsions, à capote le centurion. Complètement accro de chi, complètement accro de chi, complètement accro de chi. Je ne bois que de l'eau de vie, je ne bois que de l'eau de vie, je ne bois que de l'eau de vie, je ne bois que de l'eau de vie. Complètement accro de chi, complètement accro de chi, complètement accro de chi, complètement accro de chi. Je ne bois que de l'eau de vie, je ne bois que de l'eau de vie, je ne bois que de l'eau de vie, je ne bois que de l'eau de vie. Complètement accro de chi.